Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Première émission. C'est une fleur de chez nous. Elle a fleuri de partout. Car c'est la fleur du retour. Du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Une fleur de chez nous. Ba-da-ba-ba. Elle a fleuri de partout. Ba-da-ba-ba. Elle a fleuri du retour. Da-da-da-da. Para. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Ba-ba-ba-ba. Le blanc rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Ba-ba-ba-tam. Toutes les images disparaîtront. La femme accroupie qui urinait en plein jour derrière un baraquement servant de café en bordure des ruines à Yvetot après la guerre, se renculottait debout, jupe relevée, et s'en retournait au café. Le visage de Simone Signoret sur l'affiche de Thérèse Raquin. La chaussure tournant sur un socle dans un magasin André rue du Gros Horloge à Rouen, et autour la même phrase défilant continuellement avec baby botte, bébé trotte, épouse bien. L'inconnu de la gare Termini à Rome, qui avait baissé à demi le store de son compartiment de première et, invisible jusqu'à la taille, de profil, manipulait son sexe à destination des jeunes voyageuses du train sur le quai d'en face, accoudées à la barre. Le nouveau-né, brandi en l'air, comme un lapin décarpillé, dans la salle d'accouchement de la clinique Pasteur de Caudéran, retrouvé une demi-heure après, tout habillé, dormant sur le côté dans le petit lit, une main dehors et le drap tiré jusqu'aux épaules. Toutes les images crépusculaires des premières années, avec les flaques lumineuses d'un dimanche d'été, celles des rêves où les parents morts ressuscitent, où l'on marche sur des routes indéfinissables. Celles de Scarlett O'Hara, traînant dans l'escalier le soldat Yankee qu'elle vient de tuer, courant dans les rues d'Atlanta à la recherche d'un médecin pour Mélanie qui va accoucher. Les images réelles ou imaginaires, celles qui suivent jusque dans le sommeil. Les images d'un moment baigné d'une lumière qui n'appartient qu'à elle. Elles s'évanouiront toutes d'un seul coup, comme l'ont fait les millions d'images qui étaient derrière les fronts des grands-parents morts il y a un demi-siècle, des parents morts, eux aussi. Des images où l'on figurait en gamine, au milieu d'autres êtres déjà disparus avant qu'on soit né, de même que dans notre mémoire sont présents nos enfants petits, aux côtés de nos parents et de nos camarades d'école. Et l'on sera un jour dans le souvenir de nos enfants, au milieu de petits-enfants et de gens qui ne sont pas encore nés. Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais. Elle apparaît les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. S'annuleront subitement les milliers de mots qui ont servi à nommer les choses, les visages des gens, les actes et les sentiments, ordonner le monde, fait battre le cœur et mouiller le sexe. Les slogans, les graffitis sur les murs des rues et des WC, les poèmes et les histoires sales, les titres, les phrases terribles qu'il aurait fallu oublier, plus tenaces que d'autres, en raison même de l'effort pour les refouler. Tu ressembles à une putain d'Hécatie. Les phrases des hommes dans le lit, la nuit. Fais de moi ce que tu veux, je suis ton objet. Le latin, l'anglais. Le russe, appris en 6 mois pour un soviétique et il n'en restait que Dasvidania, Yate Bialyublyu, Karacho. Tout s'effacera en une seconde. Le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit s'éliminera. Ce sera le silence et aucun mot pour le dire. De la bouche ouverte, il ne sortira rien. Ni je, ni moi. la langue continuera à mettre en mots le monde. Dans les conversations autour d'une table de fête, on ne sera qu'un prénom, de plus en plus sans visage, jusqu'à disparaître dans la masse anonyme d'une lointaine génération. C'est une photo sépia, ovale, collée à l'intérieur d'un livret bordé d'un liseré doré, protégé par une feuille gaufrée transparente. Au-dessous, photo moderne, Riedel, Lillebonne. Un gros bébé à la lippe poudreuse, des cheveux bruns formant un rouleau sur le dessus de la tête, est assis à moitié nu sur un coussin au centre d'une table sculptée. Chaque membre de la famille a dû en recevoir un tirage et chercher aussitôt à déterminer de quel côté était l'enfant. Dans cette pièce d'archives familiales, qui doit dater de 1941, impossible de lire autre chose que la mise en scène rituelle sur le mode petit bourgeois de l'entrée dans le monde. Une autre photo, signée du même photographe, sans doute vouée à la même distribution familiale, montre une petite fille d'environ 4 ans, sérieuse, presque triste, malgré une bonne bouille rebondie sous des cheveux courts, séparée par une raie au milieu et tirée en arrière par des barrettes auxquelles sont attachés des rubans, comme des papillons. La main gauche repose sur la même table sculptée, entièrement visible, de style Louis XVI. Elle apparaît boudinée dans son corsage. Sa jupe à bretelles remonte par devant à cause d'un ventre proéminent, peut-être signe de rachitisme. 1944 environ. Les jours de fête après la guerre, dans la lenteur interminable des repas, sortaient du néant et prenaient forme le temps déjà commencé, celui que semblaient quelquefois fixer les parents quand ils oubliaient de nous répondre, les yeux dans le vague, le temps où l'on n'était pas, le temps où l'on n'était pas, où l'on ne sera jamais, le temps d'avant. Il n'en avait jamais assez de raconter l'hiver 42, glacial, la faim et le rutabaga, le ravitaillement et les bombes tabac, les bombardements, l'aurore boréale qui avait annoncé la guerre, les bicyclettes et les carrioles sur les routes à la débâcle, les boutiques pillées, les sinistrés fouillant les décombres à la recherche de leurs photos et de leur argent, l'arrivée des Allemands, chacun situait précisément où, dans quelle ville, les Anglais toujours corrects, les Américains sans gêne, l'école labo, le voisin dans la résistance, la fille X tondue à la libération. Le Havre rasé où il ne restait plus rien, le marché noir. La propagande. Les Boches en fuite traversant la Seine à Côte-Bec sur les chevaux crevés. La paysanne qui lâche un gros paix dans un compartiment de train où se trouvent des Allemands et proclame à la cantonade « Si on ne peut pas leur dire, on va leur faire sentir ». Sur fond commun de faim et de peur, tout se racontait sur le mode du « nous » et du « on ». C'était un récit plein de mort et de violence, de destruction, narré avec une jubilation que semblait vouloir démentir par intervalle un « il ne faut plus jamais revoir ça », vibrant et solennel, suivi d'un silence, comme une mise en garde à l'adresse d'une instance obscure, le remords d'une jouissance. Mais ils ne parlaient que de ce qu'ils avaient vu, qui pouvait se revivre en mangeant et buvant. Ils n'avaient pas assez de talent ou de conviction pour parler de ce qu'ils savaient mais qu'ils n'avaient pas vu. Donc, ni des enfants juifs montant dans des trains pour Auschwitz, ni des morts de faim ramassés au matin dans le ghetto de Varsovie, ni des 10 000 degrés à Hiroshima. D'où cette impression que les cours d'histoire, les documentaires et les films plus tard ne dissiperaient pas. Ni les fours crématoires, ni la bombe atomique ne se situaient dans la même époque que le beurre au marché noir, les alertes et les descentes à la cave. Ils embrayaient, par comparaison, sur la guerre d'avant, la grande, celle de 14, gagnée, elle, dans le sang et la gloire, une guerre d'hommes que les femmes de la table écoutaient avec respect. Ils opposaient les soldats dans la boue des tranchées aux prisonniers de 40, au chaud et à l'abri pendant 5 ans, qui n'avaient même pas reçu de bombe sur la tête. Ils se disputaient l'héroïsme et le malheur. Ils remontaient en des temps où eux-mêmes n'étaient pas encore. La guerre de Crimée, celle de 70, les Parisiens qui avaient mangé des rats. Dans le temps d'avant raconté, il n'y avait que les guerres et la faim. Pour finir, ils chantaient « Ah, le petit vin blanc et fleur de Paris » en hurlant les mots du refrain « Bleu, blanc, rouge sont les couleurs de la patrie » dans un cœur assourdissant. Ils étiraient les bras et riaient, encore un que les Boches n'auront pas. Les enfants n'écoutaient pas et se dépêchaient de quitter la table dès qu'ils en avaient reçu la permission, profitant de la bienveillance générale des jours de fête pour se livrer aux jeux interdits, sauter sur les lits et faire de la balançoire la tête en bas. Mais ils retenaient tout. Ils regrettaient de ne pas avoir été nés ou à peine quand il fallait partir en cohorte sur les routes et dormir sur la paille comme des bohémiens. De ce temps non vécu, ils garderaient le regret tenace. La mémoire des autres leur refilait une nostalgie secrète pour cette époque qu'ils avaient manqué de si peu et l'espérance de la vivre un jour. Cependant, on grandissait tranquillement, heureux d'être au monde et d'y voir clair. On commençait d'aller à l'école avec une ardoise et un porte-mine, enlongeant des espaces déblayés de leurs décombres, arasés dans l'attente de la reconstruction. On jouait au mouchoir, à la bague d'or, à la ronde, à la balle au mur. On attrapait la gale, des poux asphyxiés sous une serviette à la marée rose. On grimpait à la file dans le camion de la radio pour la tuberculose, en gardant manteau et cache-nez. On passait la première visite médicale, en riant de honte d'être juste en culotte, dans une salle que ne réchauffait pas la flamme bleue courant dans un plat rempli d'alcool à brûler, sur la table de l'infirmière. Les discours disaient qu'on représentait l'avenir. Dans la polyphonie bruyante des repas de fête, avant que surviennent les disputes et les fâcheries à mort, nous parvenait par bribes, entremêlé à celui de la guerre, l'autre grand récit, celui des origines. Des hommes et des femmes surgissaient, sans autre désignation parfois que leur titre de parenté. Père, grand-père, arrière-grand-mère, réduits à un trait de caractère, une anecdote drôle ou tragique, à la grippe espagnole, l'embolie ou le coup de pied de cheval qui les avait emportés, des enfants qui n'avaient pas atteint notre âge, une cohorte de figures qu'on ne connaîtrait jamais. Se mettaient en place les fils d'une parenté difficile à débrouiller durant des années, jusqu'à ce qu'enfin on puisse délimiter correctement les deux côtés et séparer ceux qui nous sont quelque chose par le sang de ceux qui ne nous sont rien. Les voix transmettaient un héritage de pauvreté et de privation antérieure à la guerre et aux restrictions, plongeant dans une nuit immémoriale dans le temps dont elles égrenaient les plaisirs et les peines, les usages et les savoirs. Habiter une maison en terre battue. Porter des galoches. Jouer avec une poupée de chiffon. Laver le linge à la cendre de bois. Accroché à la chemise des enfants, près du nombril, un petit sac de tissu avec des gousses d'ail pour chasser les vers. Obéir aux parents et recevoir des calottes, il aurait fait beau répondre. Recensait les ignorances, tout l'inconnu et le jamais d'autrefois. Manger de la viande rouge, des oranges. Avoir la sécurité sociale, les allocations familiales et la retraite à 65 ans. Partir en vacances. Rappelait les fiertés. La grève de 36, le Front populaire. Avant, l'ouvrier n'était pas compté. Nous, le petit monde, rassis pour le dessert, on restait à écouter les histoires lestes que, dans le relâchement des fins de repas, l'assemblée, oubliant les jeunes oreilles, ne retenait plus. Les chansons de la jeunesse des parents qui parlaient de Paris, de filles tombées au ruisseau, de gigolettes et de rôdeurs de barrières, des romances de grande pitié et de passion auxquelles la chanteuse, les yeux fermés, se donnait de tout son corps et qui faisaient monter des larmes essuyées du coin de la serviette. À notre tour, nous avions le droit d'attendrir la tablée avec Étoile des Neiges. Au sortir de la guerre, dans la table sans fin des jours de fête, la mémoire des autres nous plaçait dans le monde, au milieu des rires et des exclamations. On prendra bien le temps de mourir, allez. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège. Hors des récits, les façons de marcher, de s'asseoir, de parler et de rire, ailés dans la rue, les gestes pour manger, se saisir des objets, transmettaient la mémoire passée de corps en corps, du fond des campagnes françaises et européennes. Un héritage invisible sur les photos qui, par-delà les dissemblances individuelles, l'écart entre la bonté des uns et la mauvaiseté des autres, unissait les membres de la famille, les habitants du quartier et tous ceux dont il était dit « ce sont des gens comme nous ». Un répertoire d'habitudes, une somme de gestes façonnés par des enfances au champ, des adolescences en atelier, précédées d'autres enfances, jusqu'à l'oubli. Manger en faisant du bruit et en laissant voir la métamorphose progressive des aliments dans la bouche ouverte. S'essuyer les lèvres avec un morceau de pain. Saucer l'assiette si soigneusement qu'elle pourrait être rangée sans lavage. Taper la cuillère dans le fond du bol. S'étirer à la fin du dîner. Se débarbouiller seulement la figure chaque jour et le reste selon le degré de saleté. Les mains et les avant-bras après le travail. Les jambes et les genoux des enfants les soirs d'été. Le lavage en grand réservé aux fêtes. Empoigner les choses avec force. Claquer les portes. Faire tout avec brusquerie, qu'il s'agisse d'attraper un lapin par les oreilles, donner un béco, serrer un enfant dans son giron. Les jours où le torchon brûle, entrer et sortir, bouger les chaises. Marcher à longues enjambées en balançant les bras. S'asseoir en se jetant dans le siège. Les vieilles femmes en enfonçant le poing au creux du tablier. Se relever en décollant d'une main rapide la jupe restée dans les fesses. Pour les hommes, l'usage continuel des épaules, transportant la bêche, des planches et des sacs de pommes de terre, les enfants fatigués au retour de la foire. Pour les femmes, des genoux et des cuisses coinçant le moulin à café, la bouteille à déboucher, la poule qu'il faut égorger, dont le sang goutte dans la cuvette. Parler fort et de façon grondeuse en toutes circonstances, comme s'il avait fallu se rebiffer contre l'univers depuis toujours. La photo en noir et blanc d'une petite fille en maillot de bain foncé sur une plage de galets. En fond, des falaises. Elle est assise sur un rocher plat, ses jambes robustes étendues bien droites devant elle, les bras en appui sur le rocher, les yeux fermés, la tête légèrement penchée, souriant. Une épaisse natte brune ramenée par devant, l'autre laissée dans le dos. Tout révèle le désir de poser comme les stars dans Cinémonde ou la publicité d'Ambre Solaire, d'échapper à son corps humiliant et sans importance de petite fille. Les cuisses plus claires ainsi que le haut des bras dessinent la forme d'une robe et indiquent le caractère exceptionnel pour cet enfant d'un séjour ou d'une sortie à la mer. La plage est déserte. Au dos, août 1949, Sotteville-sur-Mer. Elle va avoir 9 ans. Elle est en vacances avec son père chez un oncle et une tante, des artisans qui fabriquent des cordes. Sa mère est restée à Yvetot, tenir le café-épicerie qui ne ferme jamais. C'est elle qui, habituellement, tresse ses cheveux en 2 nattes serrées et les fixe en couronne autour de sa tête, avec des barrettes à ressort et des rubans. Soit ni son père ni sa tante ne savent attacher ses tresses ainsi, soit elle profite de l'absence de sa mère pour les laisser flotter. Difficile de dire à quoi elle pense ou rêve. Comment elle regarde les années qui la séparent de la libération. De quoi elle se souvient sans effort. Peut-être n'y a-t-il plus déjà d'autres images que celles-ci, qui résisteront à la déperdition de la mémoire. L'arrivée dans la ville de décombres et la chienne en chaleur qui s'enfuit. Le premier jour d'école à la rentrée de Pâques, elle ne connaît personne. La grande excursion de toute la famille maternelle à Fécamp, dans un train aux banquettes de bois, avec la grand-mère en chapeau de paille de riz noir et les cousins qui se déshabillent sur les galets. Leurs fesses nues. Le porte-aiguille en forme de sabot fabriqué pour Noël dans un bout de chemise. Pas si bête avec Bourville. Des jeux secrets. Se pincer les lobes d'oreilles avec les anneaux à dents pour accrocher les rideaux. Peut-être voit-elle comme une immense étendue le temps de l'école derrière elle. Ces trois classes où elle est passée, la disposition des pupitres et du bureau de la maîtresse, du tableau, les camarades. Françoise sait qu'elle a envie de faire le clown avec son bonnet en forme de tête de chat, qui lui a demandé à la récréation de lui prêter son mouchoir, ses mouchets gras dedans, la rouler en boule avant de le lui rendre et de repartir en courant. Son sentiment de souillure et de honte avec ce mouchoir sale dans la poche de son manteau toute la récréation. Evelyne J., à qui elle a mis la main dans la culotte sous le pupitre et touché la petite boule gluante. F., à qui personne ne parlait, envoyé en aérium, qui portait à la visite médicale un caleçon de garçon bleu, taché de caca, et toutes les filles la regardaient en riant. Les étés d'avant, déjà lointains. Le torride, avec les citernes et les puits à sec. La file des gens du quartier montant jusqu'à la borne fontaine avec des brocs à la main. Robic avait gagné le Tour de France. Un autre plus vieux. Elle ramasse des moules avec sa mère et sa tante sur la plage de Veules-les-Roses. Se penche avec elle au-dessus d'un trou, sur la falaise, pour voir un soldat mort qu'on déterre avec d'autres, afin de les inhumer ailleurs. Sans doute rien dans sa pensée des événements politiques et des faits divers, de tout ce qui sera reconnu plus tard comme ayant fait partie du paysage de l'enfance. Un ensemble de choses sues et flottantes. Vincent Auriol, la guerre en Indochine. Marcel Cerdan, champion du monde de boxe. Pierrot le fou et Marie Bénard, l'empoisonneuse à l'arsenic. Il n'y a de sûr que son désir d'être grande. Et l'absence de ce souvenir. Celui de la première fois où on lui a dit, devant la photo d'un bébé assis en chemise sur un coussin, parmi d'autres identiques, ovales et de couleur bistre, « C'est toi ». Obligée de regarder comme elle-même cet autre de chair potelée, ayant vécu dans un temps disparu, une existence mystérieuse. C'était « Les années » de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. Première émission. Avec Ludmila Michael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Et les voix de Lucienne Troca, Hervé Colombel, Christiane Millet, Jean-Claude Sachaud, Marie-Bénédicte Roy, Philippe Bautier et Yolande Folio. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Les années, de Annie Ernaux, est publiée aux éditions Gallimard.